Une tache sur le nez de Hervé Blutch. Épisode 3. Maman n'est plus maman. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. C'est... waouh. Tu te tenais au milieu de la pièce, immobile, inquiétante. Jamais je n'aurais imaginé qu'une administrée puisse... quelle horreur! Tu me faisais penser à une mante religieuse, dotée d'une respiration d'asthmatique. Vous comprenez que je ne peux pas emmener Judith à la mairie comme ça. Et à l'école encore moins. Elle va faire peur aux enfants. Bien sûr. Mais je comprends. Nous allons devoir annuler le spectacle d'inauguration de la semaine du goût. C'est très embêtant parce qu'il y a le préfet. À moins que... en banane. En banane? Oui. J'ai un déguisement de banane. Ça pourrait fonctionner complètement. C'est tout à fait cohérent. Ça va même être très marrant avec la signalétique alimentaire. Qu'est-ce qu'elle en pense, notre Judith? Alors allons-y. Le maire avait retrouvé son sourire. Bah, allez-y, alors. Et pendant que vous attendiez devant l'ascenseur, le maire sortait de son cabas une barquette de blanc de poulet, et toi, avec une grâce nouvelle et totalement énigmatique, tu présentais tes petites pancartes de couleur. Tu n'étais plus du tout toi. Et je me disais qu'il faudrait quand même en reparler au docteur Adam. Et tu sais, papa, Bernard et Béatrice, tes parents Sonnet, sont vraiment extra. J'ai hyper hâte que vous vous rencontriez. Est-ce que je t'ai dit, papa, que Béatrice tenait un salon de beauté? Eh ben, imagine-toi que Bernard a proposé d'aider Sonia à ouvrir à sa sortie de l'école un salon de beauté canin. Mais haut de gamme, tu vois, pour les clientes de sa mère. D'après notre prof de stratégie et d'entrepreneuriat, c'est un marché en pleine expansion. Rien qu'avec le vieillissement de la population, les projections à 20 ans sur l'acquisition d'animaux de compagnie en Europe sont délirantes. C'est super, non? Et maman n'est pas là? Deux forces antagonistes s'affrontaient en moi. D'un côté, j'avais envie de fondre en larmes et d'inviter Corentin à découvrir ton nouveau visage. Oh. Parce que nous devions partager ensemble cette épreuve familiale. Hein, papa? Maman n'est pas là? D'un autre côté, je me disais que notre grand-fils était au seuil de son avenir et qu'il était de notre devoir de l'épargner, au moins le temps de savoir où on allait. Et tandis qu'une bataille sourde se jouait en moi, je sentais ton souffle et ta présence dans mon dos, à l'abri du regard de Corentin. Tu haletais dans mon dos. Et je semblais percevoir, à travers ce que tu exprimais de façon si complexe alors, ton point de vue. Corentin doit savoir la vérité. Corentin, maman est malade. Enfin, pas malade, mais le docteur Adam dit que Corentin, maman n'est plus maman. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, papa? C'était énorme. Comme une bombe. J'avais lâché une bombe atomique. Je le voyais sur son visage. Et de ton côté, c'était une véritable désapprobation. Je m'étais complètement gouré. Ça n'était pas du tout ce que tu voulais que je dise. J'avais l'impression de faire partie de l'équipage de l'Enola Gay, mais à la différence du colonel Paul Tibbets, je pouvais faire machine arrière. Qu'est-ce que t'as dit? Comment? T'as dit que maman n'était plus maman, que maman était malade? Non. Maman, hé, maman, bah, quelle idée. J'ai dit que maman n'était plus là pour le moment. Comment ça, plus là? J'essayais de battre en retraite, enfin, mais je m'en mêlais les pinceaux. Là. Et soudain, là, c'est toi qui venais en renfort à coups de tape sur mon épaule toujours, et de petits grognements discrets. Qu'est-ce que ça voudrait dire, plus là toujours? On est plus là ou toujours là? Tu m'indiquais le sac de linge posé dans l'entrée. Mais qu'est-ce que tu dis? Où est maman? Et qu'est-ce qu'Adam vient faire là-dedans? Maman n'est pas là pour le moment. Elle est allée faire une course et devait passer chez Adam chercher une ordonnance pour moi, ma félodipine, pour ma tension. Mais elle m'a laissé ton linge. Tiens, regarde, elle l'a déposé là. Ah, ok. Génial. J'avais peur qu'elle m'ait oublié. Bon, je file, j'ai cours, t'embrasseras maman et bah, tu la remercieras pour moi. Mais pas de problème. Salut, mon grand. Sauvé par le sac de linge. C'était l'image qui m'était apparue en refermant la porte derrière Corentin. Et aussitôt après, j'imaginais qu'un des gars qui venait de larguer la bombe sur Hiroshima disait « Hey, colonel, si on leur faisait le coup du sac de linge, vous croyez pas qu'on pourrait revenir en arrière avec le coup du sac de linge ?» Et le colonel Paul Tibbets répondait « Trop tard, les gars, la lessive est faite. » Et en arrière-plan, on voyait le champignon atomique. Nous, on s'en était tiré avec le coup du sac de linge. crois que t'avais raison. Ça sert à rien d'inquiéter Corentin. Attendons de voir ce que disent les analyses de sang. Tu peux me passer le dentifrice? Ils ont l'air vachement sympas, en tout cas, les parents de Sonia. T'étais là quand Corentin a parlé du salon de beauté pour chien? N'empêche que son prof de stratégie et d'entrepreneuriat a complètement raison. C'est autour du troisième et du quatrième âge qu'on trouve tous les métiers d'avenir. Tu peux essayer de pas mettre de la salive partout, s'il te plaît? Et comme je disais ça, avec tes mains, tu m'attrapais la tête pour la ramener contre la tienne. Et tu me faisais comprendre que si les mots ne sortaient pas de ta bouche, je pouvais aller les chercher en entrant la tête dans ta bouche. Ça faisait un peu comme un coquillage. Sauf qu'on n'entendait pas le bruit de la mer, mais ta voix. Et comme si de rien n'était, tu revenais sur les jours passés. Tu me parlais de l'inauguration de la semaine du goût et du trac que tu avais eu. Tu me parlais du succès de votre animation avec le maire et de Claude qui s'était bagarré. Tu me parlais de Corentin dont tu étais tellement fier et de Sonia que tu avais hâte de rencontrer. Et tu me parlais de nous. Tu avais des mots doux. Ces petits mots doux que toi seul employais. Et ma tête dans ta bouche, fermement maintenue par tes grosses mains, je ressentais une sorte de trouble érotique complètement inattendu. Je m'abandonnais un peu et je laissais venir à mon oreille ce flot continu de mots qui étaient toi et qui me faisaient du bien. Et quand je sortis de mon hébétude, je réalisais que tu venais de me dicter une semaine complète de menus pour que je les faxe à la mairie. En dessert, un vacherin. Ce sont les derniers mots que tu m'as dit. Le lendemain matin, tu avais complètement changé d'aspect. Et tu avais définitivement perdu la parole. C'était Une tache sur le nez, de Hervé Blotch. Avec Quentin Bayot, Antoine. Agnès Pontier, Judith. Louis Arène, Corentin. Jean-Baptiste Verquin, Frédéric Lemaire. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sophie Aude Picon.